À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. Un preneur de large, un joueur de courant d'air. Un repris de justesse, un éternel évadé. Un repris de justesse, un éternel évadé. Un faiseur de trous et un casseur de verrous. Un sauteur de murs et un forceur de serrures. Un sauteur de murs et un forceur de serrures. Un faiseur de labels et un limeur de barreaux.